بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فاليوم هو الحادي عشر من شهر صفر عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدرس هو 28 في كتاب الشمائل النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الترمذي رحمه الله. Nous sommes le 14 décembre 2013 et nous allons entrer inshallah ta'ala dans le 28e cours. C'est ça? Alhamdulillah. Dans le 28e cours de ce livre, les qualités sublimes du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم de l'imam al-Tirmidhi رحمه الله. Et nous sommes toujours dans le chapitre concernant Salat al-Duha, c'est-à-dire la prière de la matinée que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce chapitre, on a appris quels sont les mérites de cette prière. On a appris le nombre d'unités de prière à accomplir, 2 raka'a, c'est-à-dire 2, 4, 6 ou 8. Ensuite, on a vu les différentes paroles rapportées par Aïcha, radiyallahu anha, dans lesquelles elle nous décrit cette prière, et parfois, elle nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'accomplissait. D'autres fois, elle nous dit qu'elle ne l'a jamais vu l'accomplir. Et dans d'autres passages, elle nous dit qu'il la priait, alayhi salatu wa sallam, ou bien qu'il l'accomplissait que quand il revenait de voyage. Et on a concilié les trois paroles. En disant que quand Aïcha radiallahu anha nous dit qu'elle ne l'a jamais vu accomplir cette prière, ça ne veut pas dire qu'elle a nié cette prière, mais ce qu'elle a nié, c'est le fait de l'avoir vue. Par contre, d'autres compagnons sont venus lui informer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait bel et bien cette prière. Ensuite, on a vu aussi d'autres choses, et c'était le dernier hadith sur lequel on s'était arrêté. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons lire le hadith de Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu. Anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, kana yudminu 4 raka'atin inda zawali shams. Faqultu ya Rasulallah, innaka tudminu hadhihi al-4 raka'at inda zawali shams. Faqala inna abwab al-samai tuftah عند زوال الشمس فلا ترتج أي فلا تغلق حتى يصلى الظهر فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير قلت أفي كلهن قراءة قال نعم قلت هل فيهن تسليم فاصل قال لا. Donc Abu Ayyub al-Ansari رحمه الله تعالى va nous donner une information. Mais il faut savoir qu'à partir de ce hadith, celui de Abu Ayyub, jusqu'à la fin, donc le hadith suivant, il reste 2 hadiths dans ce chapitre, on ne nous parle plus de Salat al-Duha, de la prière du matin. Mais plutôt, on nous parle des 4 raka'ah que l'on fait avant la prière du Dhuhr, comme vous allez le voir en détail dans le hadith suivant celui-ci. Donc, gardez ça à l'esprit. Abu Ayyub al-Ansari, rahimahullah wa radiyallahu an, ce noble compagnon, dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam observait constamment 4 inclinaisons, c'est-à-dire 4 raka'ah, donc 2 prières, ou plutôt 4 raka'ah, on dira, lors du déclin du soleil de midi. Le déclin du soleil, ce qu'on appelle en arabe Zawal al-Shams. Vous savez que le soleil se lève et je ne suis pas prof en géographie, mais le soleil se lève d'un endroit et il se déplace jusqu'à l'autre côté pour se coucher jusqu'à l'est. Hein? Il se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Donc, le soleil, au bout d'un moment, il arrive au milieu du ciel. On dira qu'il a atteint le zénith. Et vous savez que à cette période-là, il est interdit de prier une prière nafila surérogatoire. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a enseigné que pendant ce temps-là, particulièrement, le feu de l'enfer est attisé. Alors, il ne faut pas prier de salat surérogatoire. Ensuite, le soleil continue et suit son vogue. Quand il décline, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait 4 rak'ah. Et cette parole-là, le déclin du soleil, est un indice qui nous montre que les quatre rak'ah, unités de prière dont on nous parle, sont celles qui sont accomplies entre l'adhan et l'iqama de la prière du dhuhr. Car ce temps-là correspond à celui du dhuhr. C'est pour ça que le Cheikh Abd al-Razzaq al-Abbad, hafidhahullah, a dit, il apparaît, et Allah est plus savant, que ce qui est voulu ici, ce sont les quatre unités de prière que l'on prie entre l'appel à la prière et la prière du dhuhr. Il dit, donc Abu Ayyub dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je lui demandais, messager d'Allah, tu observes constamment ces quatre inclinaisons au moment du déclin du soleil de midi. Il répondit, le prophète donc lui dit, alayhi salatu wa sallam, les portes du ciel s'ouvrent au moment du déclin du soleil de midi. Elles ne sont fermées que lorsqu'on prie la prière du début de l'après-midi, al-dhuhr. Donc ça, c'est encore un indice. C'est encore un indice. Je souhaite donc que ce qui est bénéfique s'élève pour moi en cette heure. Le compagnon lui dit, y a-t-il une récitation du Coran pour chaque inclinaison? Oui, me dit-il. Est-ce qu'il y a une salutation laissée par un? Non. Donc, ici, on apprend que il y a un mérite pour ces quatre rak'ah, particulièrement. C'est que c'est un temps où les portes du ciel sont ouvertes et ne sont pas refermées, jusqu'à ce que l'on prie la prière du dhuhr. Donc, c'est un temps où l'exaucement des invocations est plus propice. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aimé, car lui, il profitait de toutes les occasions qui lui étaient données pour se rapprocher d'Allah et pour faire agrandir son nombre de hasanat. Il profitait donc de ce moment-là pour que soit élevé auprès d'Allah, pendant que les portes du ciel sont ouvertes, des bonnes actions. Le compagnon lui demanda alors, est-ce que il faut réciter à chaque rak'ah, c'est-à-dire est-ce qu'après chaque rak'ah nous devons réciter le Coran? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé qu'il faut bien réciter. Et le compagnon radiyallahu anhu lui dit, est-ce qu'il y a une salutation laissée par an? Donc assalamu alaykum wa rahmatullah, ce qu'on appelle le taslim. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit non. Ce qui veut dire que ces quatre rak'ah sont accomplis comme deux rak'ah, sans salutation. Première rak'ah, deuxième. Après la deuxième, il ne fait pas le salam, mais plutôt il se lève et il fait la troisième. Ensuite, il suit la quatrième et là, il fait le salam. Et on nous apprend donc une sunna, que tu peux faire quatre rak'ah sans les faire séparer d'un salam au milieu. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait aussi en séparant les deux prières par une salutation. Ce qui veut dire que les deux choses font partie de la sunna. C'est-à-dire de prier deux rak'ah puis saluer, puis deux rak'ah puis saluer, ou bien quatre rak'ah et saluer à la fin de la quatrième seulement. Mais le plus fréquent, c'est le fait de faire une séparation avec une salutation. Dans le cas où tu le fais, tu auras atteint la sunna, puisque tu vois que c'est rapporté authentiquement. Mais le plus fréquent du prophète alayhi salatu wassalam, wallahu a'lam, c'est le fait de séparer chaque deux unités de prière par une salutation. Wallahu a'lam. An Abdullah ibn Sa'ib radiyallahu an, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. Hadith qui est à peu près identique. dans lequel Abdullah ibn Sa'ib radiyallahu an nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait avec quatre inclinaisons après le déclin du soleil de midi, avant la prière du début d'après-midi de Dhuhr. Donc là, c'est clair que les quatre rak'a dont on parle sont celles qui sont accomplies à quel moment? Juste avant la prière du Dhuhr, donc après l'adhan. Et il dit, c'est une heure où les portes du ciel sont ouvertes. Je souhaite donc que la bonne action s'y élève pour moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam saisissait toutes les occasions ou les opportunités qui lui étaient offertes pour présenter à Allah subhanahu wa ta'ala des bonnes actions. C'est pourquoi, par exemple, il jeûnait le lundi et le jeudi. Et il nous dit que ce sont deux jours au cours desquels les bonnes actions sont élevées auprès d'Allah. Et c'est pourquoi il jeûnait pour que pendant que ces bonnes actions soient élevées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il soit en état de jeûne, en état d'adoration où il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'imam Tirmidhi rahimahullah a cité un hadith que nous avons déjà lu, et c'est le dernier chapitre du hadith précédent. C'est pourquoi l'imam Al-Albani rahimahullah ne l'a pas cité, car ce hadith là on l'a déjà vu dans le hadith précédent, le dernier hadith. Et dans celui-ci, on nous apprenait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait quatre unités de prière. Donc avant salat al-dhuhr, il les priait lors du déclin du soleil de midi en les prolongeant. Alayhi salat wa sallam. Il faisait en sorte que ces quatre unités de prière soient longues. Hadith, ou plutôt le chapitre suivant. باب صلاة التطوع في البيت. Chapitre, la prière surrogatoire dans la maison. Donc, après avoir parlé de salat al-duha, la prière de la matinée, après avoir parlé des quatre unités de prière qui sont accomplies avant dhuhr, l'imam Tirmidhi rahimahullah a voulu nous parler de la prière qu'on appelle tatawu' ou bien nafila, c'est-à-dire la prière que l'on fait de plein gré, qui est un rajout à l'obligation et qui bien sûr est conforme à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle qui est faite dans la maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint sa communauté de prier dans leur maison. Et il leur a enseigné qu'à travers cet acte, il y a une baraka dans cette maison, une bénédiction qui s'installera dans cette maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, لا تجعلوا بيوتكم قبورا. Ce qui veut dire, ne faites pas de vos demeures des tombeaux. Pourquoi a-t-il dit ça? Il dit, alayhi salatu wa sallam, que dans les tombes, on ne récite pas le Coran. Et ça répond à l'erreur de beaucoup de gens qui vont dans les tombes pour réciter le Coran. Cette chose-là est interdite. Elle ne fait pas partie de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. La preuve est ce hadith-là. Le prophète dit, ne faites pas de vos maisons des tombeaux. Pourquoi il dit ça? Il dit à ses compagnons de réciter le Coran chez eux et de prier chez eux. Et il leur dit que s'ils ne récitent pas ni ne prient chez eux, alors leurs maisons ressembleront à des tombes, puisque dans les tombes, on ne prie pas et on ne récite pas. Donc ça montre qu'il est interdit de réciter le Coran ou de prier dans les tombes. Sauf dans un cas, la prière sur le mort. Par exemple, une personne n'a pas pu prier sur le mort. Elle n'a pas pu arriver. Ensuite, on a enterré le mort. À ce moment-là, la personne qui a raté cette prière a le droit de se tenir debout devant la tombe du mort et de prier la prière mortuaire dans laquelle elle invoquera Allah subhanahu wa ta'ala pour le mort. Pourquoi elle a le droit? Parce que dans cette prière, il n'y a pas d'inclinaison, il n'y a pas de prosternation. Sinon, les autres prières qui se font avec inclinaison et prosternation sont interdites dans les tombes, tout comme est interdite la récitation du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de faire ressembler nos demeures à des tombes. Parce que dans les tombes, on ne récite pas. Et il dit, alayhi salatu wa salam, qu'il faut prier dans les demeures. Alayhi salatu wa salam. Il dit, اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. Ce qui veut dire, priez quelques prières dans vos maisons et n'en faites pas des tombes. N'en faites pas des tombes. Et dans un autre hadith, alayhi salatu wassalam, il nous dit même que la meilleure prière est celle qui est accomplie dans la maison, en dehors des prières obligatoires. On ne parle pas des prières obligatoires. Les prières obligatoires doivent être accomplies à la mosquée, en groupe. Par contre, les prières faites de plein gré, surérogatoires, celles-ci doivent être accomplies à la maison. Et on va même voir dans le hadith de ce chapitre l'importance, ou ce qui nous montre l'importance de prier à la maison. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت. C'est-à-dire, l'image de la maison dans laquelle on évoque Allah et celle dans laquelle on n'évoque pas le nom d'Allah ressemble à l'image du vivant et du mort. Une maison, s'il n'y a pas le nom d'Allah dedans, cette maison est comme une tombe. Et les gens qui vivent dans cette maison sont comme des morts. Par contre, dans une maison où il y a le nom d'Allah qui est élevé et qui est évoqué, cette maison ressemble à un endroit vivant. Et les gens qui sont dans cette maison ressemblent à des vivants. Pourquoi ? Parce que celui qui n'évoque pas le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, celui qui n'invoque pas Allah, celui qui ne prie pas, celui qui ne lit pas le Coran, celui qui n'apprend pas sa religion, celui qui ne fait pas le rappel de la religion chez lui, celui qui ne cherche pas à faire entrer dans sa maison la foi en Allah, subhanahu wa ta'ala, cette maison est comme une tombe, et lui est comme un mort. Cheikh Abdelrazzaq, hafidhallah, rajoute, et celui qui ne fait pas ou qui n'évoque pas le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, son cœur est comme un mort enterré dans une tombe qui est sa poitrine. Vous avez compris l'importance d'évoquer le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'évoque pas le nom d'Allah, azza wa jal, a le cœur mort, sans le moindre doute. Et alors son cœur sera à l'image d'un mort qui est enterré dans une tombe, cette tombe étant la poitrine. Ensuite, si chez lui il n'évoque pas le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa maison sera à l'image d'une tombe et lui-même sera à l'image d'un mort enterré dans une tombe. Quelle est la différence entre lui et le mort s'il n'évoque pas le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et le fait de prier à la maison et d'évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala à la maison amène beaucoup de bénéfices dans cette maison, parmi lesquels les démons sortent de cette maison. Les démons n'habitent pas une demeure dans laquelle est élevé et évoqué le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْفِرُوا مِنَ الْبَيْتِ تَفِرُوا مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. C'est-à-dire, les démons fuient la demeure dans laquelle est récitée surat al-Baqarah. Et dans un hadith, il nous dit même qu'il fuit cette maison pendant 3 jours. Si tu récites surat al-Baqarah dans ta maison, pendant 3 jours, les diables n'approcheront pas ta maison. Ça fait partie de la baraka, du nom d'Allah qui est évoqué dans la maison. Par contre, si dans ta maison tu n'évoques pas le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est-ce qui va venir y habiter? S'ajoute à ça ce que les gens font introduire dans leur maison, comme musique, comme photos qu'ils accrochent sur les murs, ou comme représentation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna al-mala'ika la tadkhulu baytan fihi kalbun wa la suratu tamathil. C'est-à-dire, les anges n'entrent pas dans une maison où il y a un chien ou des représentations. Ils n'entrent pas dans cette maison. Si dans la maison il y a un chien, les anges n'entrent pas. Et si dans la maison il y a des représentations, des statues, ou bien des photos, ou bien des dessins d'êtres vivants comme les animaux et les hommes, les anges ne rentrent pas dans cette maison. Et au jour d'aujourd'hui, quand tu dis à ton frère de faire sortir de sa maison ses photos ou ses représentations, il te blâme à cause de son ignorance, à cause de sa mauvaise compréhension. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne cette information. Et Allah nous dit dans le Coran que quand le prophète parle, alayhi salatu wassalam, il ne fait que transmettre les informations qu'Allah lui a révélées. En d'autres termes, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que si dans une maison il y a des représentations, les anges ne rentrent pas, de qui vient cette information en réalité? Elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pourquoi se mettre en opposition aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc la personne qui récite le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sa maison amène du bien. Parmi le bien qu'elle amène, le père de famille qui prie dans la maison et qui a des enfants en bas âge, si les enfants prennent l'habitude de voir le père prier dans la maison, comment ils vont voir la prière quand ils vont grandir? Pour eux, la prière va devenir une chose normale, une chose avec laquelle on vit. Par contre, si on ne prie pas à la maison, et l'enfant grandit sans jamais voir la prière, puis quand il arrive à l'âge de 16 ans et 17 ans, on lui dit qu'il faut prier. Comment vous voulez qu'un arbre pousse si on n'a jamais planté des graines? Comment voulons-nous qu'un jardin pousse si on n'a jamais travaillé la terre? C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, Mouru abna'akum bis salat li sab'i sinin wadribuhum 'alayha li 'ashr. C'est-à-dire, donnez l'ordre à vos enfants de prier à partir de 7 ans et frappez-les à partir de 10 ans. Bien sûr, quand il dit frappez-les, c'est-à-dire corrigez-les. Corrigez-les par des coups légers, non pas des coups qui blessent. Donc ça amène une baraka dans la maison de citer et d'évoquer le nom d'Allah. Et quelle est la meilleure façon d'évoquer le nom d'Allah? C'est la prière. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, wa aqimis salat ala dhikri. Il dit à Moussa alayhi salam quand il s'est adressé à lui, et accomplit la prière pour mon rappel. Donc le musulman se doit de citer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et de le rappeler dans sa maison. Le hadith, l'unique hadith de ce chapitre, est rapporté par Abdullah ibn Sa'd radiyallahu anhu قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد فلا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون الصلاة مكتوبة. Ce compagnon nous dit, j'ai demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il en était de la prière chez moi et de la prière dans la mosquée. Le compagnon va voir le prophète alayhi salatu wa sallam et lui demande quelle est la meilleure chose, ou bien il l'interroge sur les mérites de la prière. Nous parlons ici de la prière surérogatoire, non pas de l'obligatoire qui, elle, doit être accomplie à la maison. Qu'en est-il de cette prière-là? Si elle est accomplie chez moi ou bien si elle est accomplie dans la mosquée. Quelle est la meilleure chose? Comment je dois me comporter? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu peux voir à quel point ma maison est proche de la mosquée. Et sachez que la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam était collée à la mosquée. Elle n'était pas à l'intérieur de la mosquée, mais elle était collée à la mosquée. Dès qu'il levait le rideau de la fenêtre, il voyait la mosquée. Elle était collée à la mosquée. Et là, le prophète lui dit, tu peux voir combien ma maison est proche de la mosquée. Ce qui veut dire que, à la base, si une maison est proche de la mosquée comme ça, normalement, qu'est-ce que le musulman va faire? Il va sortir de chez lui et aller prier à la mosquée, puisqu'il est juste à côté. Et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et avec cela, prier dans ma maison m'est plus cher que de prier dans la mosquée, sauf s'il s'agit d'une prière obligatoire. Malgré la proximité qu'il y a entre sa maison et la mosquée, il préfère prier chez lui que dans la mosquée. Les prières surérogatoires. Pourquoi ? Pour tout ce dont on a parlé auparavant. Pour amener la baraka dans sa maison. Donc le musulman doit prier chez lui. Le musulman doit prier chez lui. Par exemple, quand il prie l'Isha, la dernière prière, il rentre chez lui et chez lui il fait les deux rak'a. Les deux prières, la prière qu'il fait après l'Isha. Pareil pour Zohr, la prière du Zohr. Après la prière, il rentre chez lui et dans sa maison, il fait la prière de après Zohr. Pareil pour Al-Maghrib, et ainsi de suite. Et plus il prie chez lui, et mieux ça sera pour lui, et plus la baraka viendra, Inch'Allah Ta'ala, dans sa maison. Et le prophète dit, sauf s'il s'agit d'une prière obligatoire. Pourquoi ? La prière obligatoire doit être accomplie à la mosquée. Là. À la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, pour nous montrer l'importance de prier et l'obligation à la mosquée, il dit, j'ai songé un jour à ordonner à quelqu'un de prier à ma place en tant qu'imam et d'aller pendant la prière chez les gens qui ne viennent pas assister à la prière en groupe pour brûler leur maison. Allahu Akbar. Et dans un hadith, il nous dit, ce qui m'a empêché de le faire, c'est la présence des femmes et des enfants dans leur maison. Subhanallah. Et les savants ont dit que si la prière en groupe n'était pas obligatoire, le prophète alayhi salatu wasalam n'aurait jamais dit une telle parole. Et bien sûr, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas été brûlé la maison des gens. Mais on voit l'importance quand même de prier en groupe. Tellement qu'il pensait à ça, alayhi salatu wassalam, il a pensé un jour à dire à un autre homme de diriger la prière et pendant cette prière faire le tour des maisons dans lesquelles se trouvent des hommes qui n'assistent pas à la prière en groupe pour brûler leur maison. Mais sachez qu'à l'époque des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, ceux qui n'assistaient pas à la prière étaient les munafiqoun, c'est-à-dire les hypocrites, ceux qui en fait n'étaient pas croyants. Ceux qui n'étaient pas croyants. Les sahaba radiyallahu anhum, eux, ils venaient à la prière, même les aveugles. Et un jour, l'aveugle a demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, la permission de ne pas prier à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wasallam lui a dit, est-ce que tu entends l'appel à la prière? L'aveugle radiyallahu anhum, parmi les compagnons, lui a dit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, alors réponds à cet appel. Donc la prière à la mosquée a une grande importance. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de prier en groupe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a même dit que la prière en groupe est meilleure que la prière faite individuellement et plus élevée de 27 degrés. Elle est 27 fois meilleure et 27 fois plus grande que la prière accomplie ou la prière que l'on fait individuellement. Donc voilà l'importance de la prière en groupe et c'est le seul et unique hadith de ce chapitre. Nous passons donc au chapitre suivant concernant le jeûne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Chapitre concernant le jeûne du prophète صلى الله عليه وسلم. Le jeûne du prophète عليه الصلاة والسلام, que ce soit le jeûne obligatoire qui est celui de Ramadan ou le jeûne nafila surérogatoire, celui qui est fait de plein gré volontairement et qui n'est pas obligatoire, mais qui est récompensé, comme le jeûne du lundi et du jeudi, qui est le jeûne hebdomadaire qui se répète chaque semaine, ou bien le jeûne qui se répète chaque mois, qui sont le jeûne des 3 jours de chaque mois, les jours blancs, ou bien le jeûne qui se répète chaque année, celui de Ramadan, ou bien le jeûne qui se répète un jour dans l'année, comme celui de Ashura, et toutes les autres catégories de jeûne. Mahwa Som, qu'est-ce que veut dire le jeûne? Le jeûne que l'on appelle en arabe Som ou encore Siyam. Siyam veut dire Al-Imsak, c'est-à-dire l'abstention. Quand on parle de Som ou de Siyam ou de jeûne, nous voulons ici dire l'abstention, le fait de se retenir de quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité ce sens dans le Coran. Il a ordonné à Maryam, la mère de Isa alayhi salam, de dire Inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Allah a ordonné à Maryam de dire j'ai voué au tout miséricordieux un jeûne en employant le mot sawm. Et ensuite elle explique en disant je n'adresserai donc la parole à aucun homme. Donc de quoi on parle ici? De s'abstenir de parler. Le jeûne à la base c'est le fait de se retenir, le fait de s'abstenir. Mais le jeûne dans la religion c'est le fait de s'abstenir de manger, boire ou approcher l'épouse et toutes les autres choses qui rompent le jeûne de l'aube jusqu'au coucher du soleil. De l'aube jusqu'au coucher du soleil. Voici ce qui est voulu par le jeûne. Et le jeûne est une grande adoration qui est aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala en a fait un pilier de l'islam. Les piliers de l'islam sont au nombre de 5. Ash-shahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah, le témoignage de foi. As-salah, la prière. As-siyam, le jeûne. As-zakat, l'acquittement de l'aumône. Et enfin, Hajju baytillah, l'accomplissement du pèlerinage dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala en a fait un pilier de l'islam, ce n'est que parce qu'il est important et parce qu'il a une grande place chez Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi le jeûne n'est pas seulement le fait de s'abstenir de manger et de boire de l'aube jusqu'au coucher du soleil, mais c'est aussi autre chose. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a cité que le jeûne se divise en 2. Le jeûne du corps et le jeûne des membres. Le jeûne du corps, c'est ce que vous connaissez. On ne mange pas, on ne boit pas de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Par contre, alaykoum salam, le jeûne des membres consiste à s'abstenir du péché et de désobéir à Allah, à retenir ses membres de commettre l'interdit. Ainsi, chaque membre a un jeûne. L'oreille a un jeûne, elle doit jeûner. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle doit s'abstenir d'écouter le haram, ce qui est interdit, comme la musique ou les autres choses qui sont interdites. Aussi, l'œil a un jeûne avoué à Allah. Il doit s'abstenir de regarder ce qu'Allah lui a interdit de regarder. La langue a un jeûne. Elle doit s'abstenir de prononcer des paroles qui encourent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. La main a un jeûne. Elle doit s'abstenir de toucher ce qu'Allah a interdit. Le pied a un jeûne. La jambe a un jeûne. Elle doit s'abstenir de marcher vers les endroits qu'Allah Azza wa Jal a interdit. Le jeûne n'est pas seulement de ne pas manger, de ne pas boire. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit مَنْ لَمْ يَدَعَ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Ce qui veut dire, celui qui ne délaisse pas la parole mensongère et les actes qui en découlent, donc les péchés, Allah n'a nullement besoin qu'il s'abstienne de manger et de boire. Vous comprenez? Le jour du jeûne, on doit s'abstenir de manger, boire, mais aussi on doit s'abstenir de pécher et de désobéir à Allah à plus forte raison pendant qu'on jeûne. Donc, voilà en ce qui concerne le jeûne. Le premier hadith de ce chapitre, عن عبد الله بن شقيق رحمه الله قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. Abdullah ibn Shaqiq, rahimahullah, tabi'i, demande à Aisha radiyallahu anha ce qu'il en était du jeûne du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit, il jeûnait au point que l'on disait qu'il a jeûné depuis longtemps et il déjeûnait, c'est-à-dire il rompait, il ne jeûnait pas, au point qu'on disait qu'il n'a pas jeûné depuis longtemps. De plus, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a guère jeûné de mois entier, si ce n'est le mois de Ramadan, depuis qu'il arriva à Médine. Aïcha radiallahu anha a été interrogée par Abdullah ibn Shaqiq sur le jeûne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en gros, parfois il jeûnait constamment, consécutivement, et d'autres fois, il s'abstenait de jeûner pendant une période assez longue. Et quand il se mettait à jeûner, alayhi salatu wassalam, il jeûnait tellement qu'on a l'impression qu'il jeûnait tout le temps. Puis quand il s'arrêtait à d'autres moments de jeûner, on disait, ou on avait l'impression qu'il ne jeûnait jamais. C'est ça que Aïcha radiallahu anha a voulu nous dire. Donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois jeûnait, et d'autres fois ne jeûnait pas. En dehors du mois de Ramadan, qui lui doit être jeûné sans arrêt, bien sûr. Et c'est la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle nous dit aussi que le seul mois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné entièrement est le mois de Ramadan. Car c'était une obligation d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit dans le Coran, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Le mois de Ramadan est celui au cours duquel fut descendu le Coran. Et à la fin des versets, فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Celui qui est présent en ce mois, qu'il le jeûne. C'est-à-dire qu'il le jeûne entièrement. À l'exception de celui qui est malade ou qui est en voyage, il y a des règles pour ces deux personnes qui devront rattraper les jours non jeûnés. Ensuite, depuis qu'il est arrivé à Médine, radiyallahu anhu, le mois qu'il a jeûné consécutivement et complètement n'était que le mois de Ramadan. Pourquoi depuis qu'il est arrivé à Médine? Quand est-ce que le jeûne de Ramadan a été légiféré? Qui sait quand est-ce que le jeûne de Ramadan a été légiféré? Amidou. Oui. À quelle période? Après la Hijra. Quand exactement? À la deuxième année de la Hijra. 2 ans après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque pour aller à Médine, Allah a révélé les versets pour légiférer le jeûne. C'est-à-dire 15 ans après qu'il fut prophète. C'est-à-dire que le prophète avait quel âge? 55 ans. Quand Allah a révélé le jeûne. Combien de jeûnes le prophète a jeûné? Combien de Ramadan? 9, car il est mort à 63 ans, sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qu'on vient de dire, c'est à l'unanimité. Non, 9. Compte et tu verras que ça fera 9. Taïb. Et c'est à l'unanimité des savants. Et pourquoi ce mois est appelé Ramadan? Pourquoi ce mois est appelé Ramadan? Parce que ces trois lettres à la base, Ra, Ma, ou bien Ra, Mim et Dad, avec lesquelles on a construit le mot Ramadan, signifient la chaleur ou la difficulté. Et il jeûnait avec une grande difficulté. les compagnons radiyallahu anhum, accompagnés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jeûnaient avec une grande difficulté. Parfois, le soleil frappait. Il frappait très fort. Et pourtant, ils jeûnaient quand même. Et parfois même, ils avaient des occupations physiques en état de jeûne, comme le combat et autres, la construction et d'autres choses encore. Aussi, certains ont dit qu'il a été appelé Ramadan parce que celui qui accomplit le jeûne de ce mois, avec cette action, va brûler ses péchés. Il va brûler ses péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, salawatul khams, les cinq prières, wal jumu'atu ila jumu'a, et la prière du vendredi jusqu'à la prière du vendredi suivante, wa ramadan ila ramadan, et le ramadan jusqu'à l'autre suivant, mukaffiratun lima baynahun, toutes ces actions sont des expiations pour les péchés commis entre elles, idha jtunibat il kaba'ir, si les grands péchés ou les péchés majeurs sont délaissés. Donc, on sait que quand on jeûne le mois de Ramadan, il est une expiation pour les péchés commis. Est-ce qu'il est une expiation pour tous les péchés? Non. Il est une expiation pour les péchés mineurs. Quant aux péchés majeurs, ils ne sont expiés que par le repentir. Ils ne sont expiés que par le repentir. Par contre, celui qui jeûne Ramadan et qui introduit dans ce jeûne un repentir, alors ça sera pour lui une expiation de tous les péchés qu'il aura commis. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. An Anas ibn Malik radiyallahu an, annahu su'ila an sawmi rasul, an sawmi nabi sallallahu alayhi wa sallam, faqala kana yasumu shahra hatta nura an la yurida an yuftira minh, wa yuftiru hatta nura an la yurida an la يريد أن يصوم منه شيئا وكنت لا تشاء أن تراه من الليل أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما. Anas ibn Malik رضي الله عنه a été interrogé un jour sur le jeûne du prophète صلى الله عليه وسلم. Et regardez, à chaque fois les gens qui sont interrogés sont ceux qui sont proches de lui. On a vu Aïcha. Qui est Aïcha pour le prophète alayhi salatu wassalam? Son épouse. Et maintenant on voit Anas. Qui est Anas pour le prophète? Amidou. Hein? Son servant. Pendant combien de temps? Pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il a vécu dans la maison du prophète alayhi salatu wassalam. Et souvenez-vous, depuis le début de ce livre jusqu'à ce hadith-là, combien sont nombreux les hadiths dans lesquels il y a des informations concernant ce qui se passe dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous sont rapportés par Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Anas ibn Malik a répondu, il jeûnait dans le mois au point qu'il nous semblait qu'il ne voulait point rompre son jeûne. Et il rompait aussi au point qu'il nous semblait qu'il ne voulait pas jeûner dans le mois. Et tout ce qui vient d'être dit ici, c'est la même chose que ce qu'on vient de lire dans le premier hadith. Parfois, il jeûnait tellement longtemps, de manière consécutive, qu'on avait l'impression qu'il ne s'arrêtait plus de jeûner. Et d'autres fois, il ne jeûnait plus jusqu'à ce qu'on croyait qu'il n'allait plus jeûner. Alayhi salatu wassalam. Ensuite, il dit, si tu voulais le voir en prière durant la nuit, tu l'aurais vu en prière. Et si tu voulais le voir durant une nuit dormir, tu l'aurais vu dormir durant celle-ci. On voit le juste milieu aussi dans la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois jeûnait, d'autres fois ne jeûnait pas. Parfois priait la nuit, d'autres fois ne priait pas. Donc dans sa guidée, il y a un juste milieu. Il faut faire, mais il ne faut pas dépasser les limites. Tout comme il ne faut pas abandonner ou avoir du laxisme. Et trois personnes, comme l'imam Bukhari nous le rapporte selon Abu Huraira, sont venues chez les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les ont interrogées sur la manière du prophète alayhi salatu wa sallam d'adorer Allah. Quand les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont répondu, les trois se sont mis à parler. Un a dit, en fait, ce n'est pas suffisant pour nous. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est de juste milieu parce qu'Allah lui a déjà accordé son pardon. Un a dit, quant à moi, je vais m'engager à jeûner toutes les journées et je ne mangerai plus le jour. Un autre a dit, quant à moi, je vais prier toutes les nuits et je ne dormirai jamais la nuit. Et le troisième a dit, moi, je vais me consacrer à l'adoration d'Allah et je ne vais jamais me marier avec une femme. Je vais mettre tout mon temps dans l'adoration. Le prophète, alayhi salatu wasalam, a entendu ça. Pensez-vous qu'il a aimé cette parole? Il est allé voir ces gens et leur a dit, est-ce vous qui avez dit telle et telle chose? Ils ont dit oui, au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, moi, je connais Allah mieux que vous. Moi, je crains Allah plus que vous. Et pourtant, parfois je jeûne et d'autres fois je ne jeûne pas. Parfois je prie la nuit et d'autres fois je dors. Et je me marie avec les femmes. Et celui qui se détourne de ma sunna, de ma guidée, de mon chemin, ne fait pas partie de moi, n'a rien à voir avec moi. N'a rien à voir avec moi. Donc ici on voit l'explication de ce hadith. Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous dit, si tu voulais le voir prier la nuit, tu pouvais le voir. Et si tu voulais le voir dormir, tu pouvais le voir aussi. Donc parfois il priait, parfois il dormait. Et on a vu exactement comment il divisait la nuit, alayhi salatu wassalam. Il divisait la nuit en deux parties. La première moitié de la nuit, il dormait. La deuxième moitié de la nuit, il se réveillait. Et il la divisait, cette deuxième partie, en trois. Il priait les deux premières parties et il redormait le dernier tiers de la nuit pour reprendre des forces pour la prière du matin. Et il ne s'imposait pas une gêne, alayhi salatu wassalam. Quand on voit qu'il priait et qu'il restait tellement longtemps debout jusqu'à ce que ses talons se déchiraient ou se fendillaient, il ne faut pas comprendre qu'on doit s'imposer une gêne. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il priait cette prière, il n'avait pas de gêne. Il aimait ça. Par contre, si toi tu te lèves et veux faire comme lui, puis tu t'imposes une gêne, alors tu ne l'as pas suivi en vérité. Car il faut faire ce qui te gêne pas, ce qui ne t'impose pas de gêne, comme l'a dit les savants. Walillahi alhamd. An ibn Abbas radiyallahu anhuma, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yasumu hatta naqula ma yuridu an yuftira minhu ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم منه وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. أنس بن مالك, pardon, Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه nous rapporte encore la même information. Il nous dit, et d'ailleurs ici il ne l'est pas, mais quoi qu'il en soit, c'est le même hadith rapporté par Abdullah ibn Abbas, dans lequel il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait parfois à un point où on avait l'impression qu'il n'allait jamais rompre le jeûne. Et d'autres fois, il ne jeûnait pas à un point qu'on allait dire, on avait l'impression qu'il n'allait jamais jeûner. Et le mois qu'il a jeûné complètement depuis qu'il est arrivé à Médine n'était que le mois de Ramadan. Le hadith suivant, an Ummi Salama قالت رضي الله عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. أم سلمة رضي الله عنها nous dit, je n'ai guère vu le prophète صلى الله عليه وسلم jeûner deux mois consécutifs si ce n'est شعبان et رمضان. شعبان est le mois qui vient juste avant رمضان et ensuite à Ramadan. Bon, il y a peut-être une contradiction là, ou il y a un problème qui se pose. Qui est-ce qui va trouver la solution de ce problème? On vient juste de voir, à travers les trois premiers hadiths, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne jeûnait de manière consécutive que le mois de Ramadan. On vient de le voir juste dans le hadith précédent. Et ici, on nous dit qu'il jeûnait 2 mois consécutifs, pleinement, Sha'ban et Ramadan. Est-ce qu'il y a une contradiction? Il n'y a pas de contradiction. Non. Parce que pendant le mois de Sha'ban, il priait la majeure partie de ce mois. Mais pourquoi ici elle nous dit, ou elle essaye de nous, c'est comme si qu'elle nous fait comprendre, ou bien ce qui apparaît de ce hadith, c'est qu'il jeûnait tout le mois. Non. Il jeûnait tellement qu'on croyait qu'il jeûnait tout le mois. Ça peut entrer aussi dans l'explication, mais il y a quelque chose en fait. C'est que quand on fait une chose abondamment, dans le langage de l'époque, le langage arabe pur, on dit d'une personne par exemple qui jeûne la majeure partie du mois, on dit elle a jeûné, cette personne a jeûné tout le mois. Ou bien la personne qui prie longuement dans la nuit, on dit elle a prié toute la nuit. Et quand une personne s'adresse à vous et discute à vous d'un sujet important et qui s'entame une discussion qui va durer longtemps dans la soirée, qu'est-ce que l'un d'entre vous va dire? Cette personne m'a parlé toute la nuit. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là? Elle m'a parlé longuement pendant la nuit. C'est ça qui est voulu ici. Bon, vrai. Donc, le mois qu'il jeûnait le plus, c'était Sha'ban. Et le mois qu'il jeûnait entièrement, c'était Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam. عن عائشة رضي الله عنها قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله. Donc عائشة رضي الله عنها nous dit, je n'ai guère vu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم jeûner dans un mois plus que dans le mois de Sha'ban. Il jeûnait Sha'ban, sauf une courte durée, et même jeûnait tout ce mois. Donc c'est difficile. Celui qui ne connaît pas les détails, quand il lit ça, il va penser que c'est clair, qu'il jeûnait le mois entier. Regardez ce qu'elle nous dit. Elle nous dit qu'il jeûnait Sha'ban, sauf une courte durée. Il jeûnait la plupart du mois, ou la majeure partie du mois, sauf quelques jours. Et même, il jeûnait tout ce mois. Donc ici, on a vraiment l'impression qu'il jeûnait tout ce mois. Mais l'imam muslim, rahimahullah, rapporte selon Aïcha radiallahu anha, qu'elle a dit, et Aïcha est celle qui vient de dire ce qu'on vient de lire. Elle a dit, ce qui veut dire, كان يصوم صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان le prophète عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا. Elle dit comme ça, le prophète عليه الصلاة والسلام priait شعبان entièrement. Tout de suite après elle dit, le prophète صلى الله عليه وسلم priait شعبان sauf une courte durée. Hein? J'ai dit prier? Jeûne. Naam. Et donc, corrigez-moi si je me trompe. Corrigez-moi. Barakallahu fikum. Donc, ici, c'est wadih. Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, un homme pieux parmi les pieux prédécesseurs, disait qu'il est permis de dire, sama shahra kullahu idha sama aktharahu. Il a jeûné le mois entier, s'il a jeûné la majeure partie de celui-ci. Donc ça, c'est wadih, c'est clair. Et on va s'arrêter ici, inshallah ta'ala, pour reprendre samedi prochain,